إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc alhamdulillah, on continue aujourd'hui l'explication de notre livre Aqidatu Salaf wa Ashab al-Hadith de l'imam Abu Uthman Ismail ibn Abdurrahman al-Sabouni. On a commencé la partie du livre où le cheikh explique que parmi les principes, les principes de l'aqida des salaf salih, c'est qu'on doit affirmer al-istiwa lillah, que Allah subhanahu wa ta'ala s'est élevé au-dessus de son trône. Donc on a lu plusieurs des preuves à ce sujet-là dans le Coran et des hadiths, certains hadiths, et on a lu également certaines des citations des salaf salih au sujet de la question de al-istiwa et qu'il faut l'affirmer. Maintenant on va continuer à ce sujet-là encore une fois, et le cheikh il dit « Wa imamuna Abu Abdullah Muhammad ibn Idris al-Shafi'i رضي الله عنه احتج في كتابه المبسوط في مسألة اعتاق الرقبة اعتاق الرقبة المؤمنة في الكفارة وإن غير المؤمنة لا يصح التكفير بها بخبر معاوية ابن الحكم وأنه أراد أن يعتق الجارية السوداء لكفارة وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اعتاقه إياها فامتحنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم من أنا فأشارت إليه وإلى السماء يعني أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي في السماء قال صلى الله عليه وسلم اعتقها فإنها مؤمنة. Donc le cheikh il mentionne que l'imam Muhammad ibn Idris al-Shafi'i, qui est un des quatre imams auxquels on a attribué un madhhab, et bien cet imam il a mentionné comme preuve dans son livre, en fait il a mentionné dans l'imam al-Sabouni, il mentionne que c'est dans son livre al-Mabsout, mais en réalité, yani, d'après ce que j'ai vu dans les notes, ils disent que c'est dans Kitab al-Umm, qui est un autre des livres de l'imam al-Shafi'i. Donc il dit qu'il a mentionné dans le chapitre, dans l'endroit où il mentionne la question de la libération des esclaves, il parle de par exemple le fait de libérer un esclave comme pour expier un péché. Il mentionnait qu'il faut que ce soit un esclave croyant, un esclave ou une esclave qui est croyante, et que c'est pas acceptable de libérer un esclave qui n'est pas croyant pour expier un péché. Et il s'est basé sur la parole ou le hadith qui est rapporté selon Muawiya ibn al-Hakam, on connaît tous le hadith, lorsqu'il a frappé son esclave, et donc il est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander est-ce qu'il peut la libérer pour expier ce péché qu'il avait fait. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait testé et il lui a demandé où est Allah, et elle a dit c'est Sama. Et il lui a demandé par la suite, et qui suis-je? Et elle a dit, tu es Rasulullah, tu es le messager d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu en disant, i'tiqha fa innaha mu'mina, libère-la, car c'est une mu'mina, c'est une croyante. Et il y a une note à ce sujet-là, pour dire que la narration qui a été mentionnée dans, par l'imam al-Sabuni et dans Al-Umm, il dit que ça c'est une autre narration et c'est pas celle qui est rapportée dans par l'imam muslim. C'est une autre narration, il dit « Hadithu Muawiyah ibn al-Hakam, laysa fihi hadha al-nafs » dans le hadith de Muawiyah ibn al-Hakam, il n'y a pas la mention du fait que c'est une esclave noire. Il n'y a pas cette mention-là dans la narration qui est authentique. Également, yani, le hadith dans Sahih Muslim, le texte c'est quoi? C'est « قَالَ لَهَا أَيْنَ اللَّهِ » Il lui a demandé « Où est Allah ?» Tandis que dans cette narration-là qu'il a mentionné, c'est un hadith qui est rapporté selon Abu Huraira, qu'un homme est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est un hadith qui est rapporté par Ahmad Abu Dawud al-Bayhaqi et Ibn Qudama al-Maqdisi. Et c'est une isnad qui est da'if. C'est une isnad qui est da'if. Donc c'est pas la narration qui est utilisée ou qui est mentionnée par l'imam muslim. Ok? La narration qui est mentionnée par l'imam muslim, ça dit quoi? Ça dit Ayn Allah. Où est Allah? قالت في السماء. Elle a répondu dans les cieux. وقال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. وليس فيه أنها أشارت إلى السماء. Donc dans la narration de l'imam muslim qui est authentique, il y a la question du prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'esclave, où est Allah? Et donc ça prouve que c'est permis pour un musulman de demander où est Allah, et que c'est pas interdit, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a posé cette question-là à la fille esclave. Maintenant, il y a des gens de bid'a aujourd'hui, comme les Asha'ira et en particulier les Ahbash qui sont très actifs pour propager leur shubuhat parmi les musulmans, ils rejettent ou ils refusent que quelqu'un pose la question « Où est Allah subhanahu wa ta'ala ?» Alors que tu vois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a posé cette question. Donc comment vous pouvez interdire quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, et dire que c'est haram? Donc ça c'est pas concevable de dire que quelque chose était interdit alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait et il n'a pas dit du tout que c'était interdit. Non seulement ça, l'esclave, la fille esclave a répondu en disant fils sama. Si sa réponse était incorrecte, c'était du devoir et de l'obligation du prophète sallallahu alayhi wa sallam de la corriger et de lui faire comprendre que sa réponse n'était pas correcte. Toutefois, au contraire, il ne l'a pas corrigé, il l'a approuvé ce qu'elle a répondu et il a témoigné de sa foi par la suite. Donc c'est une preuve que ça fait partie de la foi, de croire que Allah subhanahu wa ta'ala est aux cieux ou dans les cieux ou au-dessus de sa création. Alhamdulillah. Donc ensuite il a demandé à cet esclave, et qui suis-je? Man ana? Et elle a répondu, anta rasulullah, tu es le messager d'Allah. Donc ça c'est le hadith qui est rapporté par l'imam muslim, et ça c'est un hadith qui est authentique. Et le cheikh qu'est-ce qu'il dit? Il dit ويراجع تخريج الحديث في تعليق في التعليق على الرد على الجهمية لأبي سعيد الداريني وهو اللفظ الموجود عند الشافعي في الأم. Donc ça veut dire que la narration qui est mentionnée dans Al-Umm, c'est la narration de Sahih Muslim. D'après ce que le muhaqqiq explique ici. Donc c'est pour faire comprendre que l'imam al-Shafi'i a mentionné ça dans son livre. Ça prouve qu'il est d'accord avec ce hadith et qu'il croit en ce hadith et qu'il a affirmé tel qu'il est. Il n'a pas essayé de changer sa signification ou de rejeter le hadith. et ça prouve que ça fait partie de sa aqida également. Sinon, il l'aurait rejeté, il n'aurait pas mentionné ce hadith. D'accord? Donc, étant donné que c'est un des imams parmi les imams de Ahl al-Sunnah wal Jama'a, c'est normal qu'il affirme les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que ça fait partie de la aqida des salaf. D'accord? Donc, également, comme on disait hier à propos de l'imam Malik, hein, rahimahullah, qu'il a affirmé les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il a réfuté les Jahmiya et ceux qui nient les attributs, on peut dire la même chose également à propos de l'imam al-Shafi'i, hein, rahimahullah, et ceux aujourd'hui qui prétendent être Asha'ira et ils prétendent qu'ils sont Shafi'iya, eh ben, on voit qu'en réalité, c'est des fausses prétentions qu'ils font de suivre cet imam alors qu'ils le contredisent dans sa aqida et dans sa croyance. Et surtout aux États-Unis, puis en Angleterre, dans les pays anglophones, il y a cette tendance actuellement d'un petit groupe de soufis hein, qui sont en train d'appeler les musulmans à suivre aveuglément le madhhab de l'imam al-Shafi'i, hein, parce qu'il y a des groupes, des convertis des États-Unis puis de l'Angleterre, qui sont partis étudier en Syrie, hein, qui ont été étudier l'islam en Syrie, avec les soufis. Donc, quand ils sont partis là-bas, ils sont revenus aux États-Unis puis en Angleterre, ils ont commencé à traduire les livres et à écrire des trucs sur la tasawwuf puis sur le taqlid et tout ça. Donc, ils disent aux musulmans maintenant, il faut suivre aveuglément le madhhab Shafi'i et ils disent aux musulmans de croire en la aqida des Asha'ira et ils prétendent que c'est ça la aqida de Ahl al-Sunnah wal Jama'a et ils sont en train d'essayer de propager cette aqida parmi les jeunes anglophones. Et c'est pour ça que yani, c'est important de mentionner ce point-là, juste pour clarifier ce sujet-là au sujet de la position de l'imam al-Shafi'i, au sujet de l'aqida des salaf salih, c'est pas du tout la position des Asha'ira. Donc, alhamdulillah, rabbil alamin. Après, le cheikh dit, فَحَكَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ وَسَلَّمْ بِإِسْلَامِهَا وَإِيمَانِهَا لَمَّا أَقَرَّتْ بِأَنَّ رَبَّهَا فِي السَّمَاءِ وَعَرَفَتْ رَبَّهَا بِصِفَةِ الْعُلُوِ وَالْفَوْقِيَّةِ وَإِنَّمَا احْتَجَّ الشافعي رحمه الله عليه على المخالفين في قولهم بجواز اعتاق الرقبة الكافرة في الكفارة بهذا الخبر لاعتقاده أن الله سبحانه وتعالى فوق خلقه وفوق سبع سماواته على عرشه نعم وكما هو معتقد المسلمين أهل السنة والجماعة سلفهم وخلفهم إذا كان رحمه الله لا يروي خبرا صحيحا لا يقول به donc le sheikh explique encore plus, il donne plus de détails encore. Et il dit que, donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jugé de la foi de cet esclave. Et il a affirmé de sa foi lorsqu'elle a confirmé que son Seigneur était dans les cieux et qu'elle a connu, elle a confirmé qu'elle a connu son Seigneur avec cet attribut du fait qu'il est élevé et qu'il est au-dessus. Donc, l'imam al-Shafi'i a utilisé ce hadith comme une preuve contre ceux qui prétendaient que c'était permis de faire une kafara, hein, d'expier un péché qu'on a fait en libérant une esclave qui n'est pas croyante, hein, ou un esclave qui n'est pas croyant. Donc l'imam al-Shafi'i a répondu à ceux qui disaient que on peut libérer une femme esclave qui est non croyante pour expier un péché. Eh bien l'imam al-Shafi'i a mentionné ce hadith-là pour leur montrer qu'ils ont tort et qu'ils se sont trompés et que c'est seulement un esclave croyant qui peut être libéré pour expier un péché. Donc, c'est comme s'il a mentionné ce hadith-là comme une preuve pour dire que l'esclave doit être croyant pour que ce soit une condition pour qu'il expie ou qu'il efface le péché, un péché en particulier. Donc, alhamdulillah, donc ça prouve qu'il a cru en ce hadith. Et comme le cheikh il dit, qu'il a utilisé ce hadith-là également parce que lui-même il croit que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de sa création et au-dessus des sept cieux et au-dessus de son trône. Comme c'est la croyance de tous les musulmans de Ahl Sunnah et Al Jama'a, que ce soit parmi les prédécesseurs ou ceux qui sont venus par la suite, ils ont tous cru en cette aqidah-là, s'ils sont sur la aqidah de Ahl Sunnah et Al Jama'a. Et donc, le cheikh, il dit qu'on sait très bien que c'est sa position, puisque l'imam Shafi'i ne rapportait jamais un hadith ou un khabar, excepté parce que, lorsqu'il le croyait. Aussitôt que c'est un hadith sahih, s'il le rapporte, c'est parce qu'il croit que cette parole, c'est sa position à lui. Même c'est un des imams qui disait, « إذا صح الحديث فهو مذهبي. » Si le hadith est authentique, c'est mon madhhab, c'est ma position. J'en ai pas d'autre position, yani. C'est-à-dire, si vous voyez un hadith sahih, qui est en contradiction avec ce que je dis, ben ça veut dire que je dis qu'est-ce que ce hadith-là dit, et moi-même, ma position que j'avais auparavant, oubliez-la. J'étais là, sur le mur, elle n'a aucune valeur. Donc, ça c'est pour faire comprendre que, ça c'est la position de l'imam Shafi'i. Ensuite, il mentionne une citation qui est rapportée, selon l'imam Shafi'i, qui dit, Ar-Rabi ibn Sulayman, j'ai coupé l'isnad, parce que je veux juste mentionner la citation. يقول سمعت الشافعي رحمه الله يقول إذا رأيتموني أقول قولا وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه فاعلموا أن عقلي قد ذهب. C'est une citation que des élèves, c'est probablement un des élèves ou un des gens qui étaient parmi les compagnons de l'imam Shafi'i, il dit, j'ai entendu l'imam Shafi'i rahimahullah dire, si vous voyez que je dis une parole et qu'on a rapporté authentiquement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le contraire de cette parole, alors sachez que ma raison est partie. Sachez que j'ai perdu la raison. Si vous voyez que je dis une parole et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam on a rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam une parole authentique qui dit le contraire de ce que je dis moi, et que j'ai dit le contraire, sachez que bon, j'ai perdu la raison. Et cette narration-là, elle n'est pas authentique à propos de l'imam Shafi'i. Toutefois, il y a une parole qui est rapportée avec une isnad qui est authentique, selon Ar-Rabi', qui est authentique, qui dit « وَرَوَى الشَّافِعِي » قال أنه قال روى الشافعي يوما حديثا فقال له رجل أتأخذ بهذا يا أبا عبد الله فقال متى ما رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلم آخذ به فأشهدكم أن عقلي قد ذهب. Ça c'est une autre citation qui a la même signification que celle-là et qui est authentique de l'imam Shafi'i qui dit qu'un homme a demandé à l'imam Shafi'i, parce que l'imam Shafi'i a rapporté un hadith, il a mentionné un hadith. Alors quelqu'un lui a dit, est-ce que tu es d'accord avec ce hadith, ou est-ce que tu supportes cette position qui est mentionnée dans ce hadith, ya Aba Abdullah? Il a dit, le jour où tu vas me voir, que je rapporte une parole, un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que je ne le prends pas comme étant ma position personnelle, alors sachez que j'ai perdu ma raison. Sachez que ma raison est partie. Donc ça veut dire que ce hadith-là qu'il a rapporté à propos de l'esclave qui a témoigné que Allah est au-dessus des cieux, eh bien ça c'est sa position à lui, parce que c'est le hadith. Ok? Donc ceux qui prétendent suivre l'imam Shafi'i dans une position quelconque et que le hadith est en contradiction ou en opposition avec cette parole de l'imam al-Shafi'i, alors ça veut dire qu'ils ne suivent pas l'imam al-Shafi'i. Parce que suivre l'imam al-Shafi'i, ça veut dire qu'on doit suivre le hadith. Suivre l'imam Malik, ça veut dire qu'on doit suivre le hadith sahih. Et tous les autres imams, c'est la même chose. Ils ont tous dit ça. D'accord? Après le Cheikh dit, وقال الحاكم رحمه الله سمعت أبا الوليد غير مرة يقول حدثت عن الزعفراني أن الشافعي رحمه الله روى يوما حديثا فقال السائل يا أبا عبد الله تقول به؟ قال تراني في بيعة أو كنيسة ترى علي زي الكفار، هذا هو ذا تراني في مسجد المسلمين أي زي المسلمين على زي علي زي المسلمين مستقبل قبلتهم أروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا أقول به سبحان الله. Donc, qu'est-ce qui a été rapporté ici, c'est que Al-Hakim, rahimahullah, a dit, j'ai entendu Abu'l-Walid plusieurs fois dire, on m'a rapporté que Al-Za'farani a dit que l'imam Al-Shafi'i a rapporté un hadith un jour, et quelqu'un lui a posé la question, Abu Abdillah, est-ce que toi tu prends cette position? Est-ce que toi tu dis, tu es d'accord avec cette position qui est dans ce hadith? L'imam al-Shafi'i l'a réprimé, réprimandé si on veut, à propos de cette question. Il lui a répondu d'une façon vraiment incroyable. Il a dit, est-ce que tu vois que je sors d'une synagogue ou bien d'une église? Est-ce que tu vois que je porte les vêtements des rabbins et des prêtres? Il dit, comment je prie dans les mosquées? Tu me vois dans la mosquée des musulmans? Que je me dirige vers la Qibla des musulmans et que je porte les vêtements des musulmans et je rapporte un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam et je ne prends pas comme ce hadith comme position, c'est en voulant dire, tu vas pas essayer de comprendre comment tu pourrais penser que moi je rapporte un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam puis que je l'accepte pas ou que je le suis pas et que je le prends pas comme étant ma position. Je suis pas un juif. Je ne suis pas un chrétien pour faire des choses pareilles, parce que c'est connu que les chrétiens et les juifs, ils contredisent leurs prophètes, ils font le contraire de ce que font leurs prophètes. Ils disent, moi je suis musulman, je prie dans la direction de la Qibla des musulmans, et donc je ne veux pas contredire ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, d'accord? Donc c'est un exemple très fort et très clair qui a été rapporté ici avec une islam authentique de l'imam Shafi'i. Maintenant, il y a un autre exemple que l'imam Abu Osman explique. Maintenant, il dit, « وقال أبو عثمان والفرق بين أهل السنة وبين أهل البدعة أنهم إذا سمعوا خبرا في صفات الرب ردوه أصلا ولم يقبلوه أو يسلموا للظاهر ثم تأولوه بتأويل يقصدون به رفع الخبر عن أصله وإعمال حيل عقلهم وآرائهم فيه ويعلمون حقا يقينا أن ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى ما قاله إذا هو كان أعرف بالرب جل جلاله من غيره ولم يقل فيه إلا حقا وصدقا ووحيا قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Donc le Cheikh il mentionne, en fait Abu Osman il mentionne, il dit que la différence entre les gens de Ahl al-Sunnah wal Jama'a et les gens de la Bid'a, c'est que lorsqu'ils entendent une des rapports ou des hadiths qui parlent des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils le rejettent à la base. Il refuse d'accepter son sens apparent à la base, c'est-à-dire en partant il ne l'accepte pas, d'accord? Et puis par la suite qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient de l'interpréter par une interprétation ou une déformation de son sens dans le but de d'enlever à cet attribut-là son sens, et pour essayer de placer leur ruse, les ruses de leur raison et leur position et leurs opinions personnelles par-dessus qu'est-ce qui est mentionné dans les hadiths qui parlent des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est comme si lorsqu'ils lisent les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et les versets et les hadiths qui parlent des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme si ils les acceptent pas en partant. Pour eux c'est pas logique, parce que ils se sont établis dans la religion d'Allah des règles et des principes qui sont établis selon des principes logiques, soi-disant rationnels, qu'ils ont établis eux-mêmes. Et ils ont mis ces règles-là et ces principes-là comme des juges, pour juger la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils disent, ce qui est en accord dans le Coran et dans les attributs d'Allah, ce qui est en accord avec nos règles et nos principes qu'on a établis, on l'accepte. Mais ce qui est en contradiction avec nos règles et nos principes rationnels, tirés de la philosophie ou de nos opinions, hein, eh ben, on le déforme, on va changer son sens, pour essayer de faire en sorte que ce soit en accord avec nos propres, notre propre compréhension et nos propres interprétations et nos principes. Donc ça veut dire qu'ils ont établi des principes qu'ils ont mis au-dessus du Coran et de la Sunna. Et par ces principes-là, ils jugent le Coran et la Sunna. Alors que le vrai mu'min, celui qui suit le Coran et la Sunna comme il faut, il ne se met pas devant les textes, il se met derrière les textes et il suit ce qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toutefois, les gens disent, ah, c'est le contraire. Ils ne suivent pas la révélation. Ils veulent que la révélation les suive. Hein? Ils se font des principes et ils disent, cette révélation-là doit suivre le principe, sinon on la déforme, on la rejette, ou bien on ne l'accepte pas telle qu'elle est. Ahlus Sunnah wal Jama'ah, ils ont dit non, nous on suit la révélation, on ne se met pas devant. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, Ya ayyuha alladhina amanu, la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulih. Hein, ou vous les croyants, ne vous placez pas devant Allah et son messager. Hein, et c'est ça l'exemple du salafi, c'est celui qui se met derrière les textes et qui suit la révélation d'Allah. Ittabi'u ma unzila ilaykum rabbikum. Allah il dit, suivez ce qui a été révélé de votre Seigneur pour vous. Donc c'est-à-dire, Allah nous ordonne de suivre, pas de se placer devant la révélation. Donc c'est ça l'important qui est, c'est ça la chose qui est très importante de comprendre, c'est que on se place derrière et on suit la révélation et on se soumet à ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a révélé et on l'accepte et on y croit dans son sens apparent, hein, et on sait, hein, que ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est la vérité et que c'est lui qui connaît le mieux son Seigneur. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui connaît le mieux son Seigneur. Et que ce qu'il a dit à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça ne peut être que la vérité. Ça ne peut être que la révélation qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala confirme cela dans le Coran en disant, et il ne parle pas selon ses passions, selon sa passion, ses désirs. Il ne fait que, tout ce qu'il dit c'est une révélation qui lui est révélée. Et il ne fait que répéter que ce que Allah lui demande de dire. Donc ça c'est dans Surat al-Najm, le verset 3 et 4. Donc ça c'est des principes et des fondements importants à comprendre de Ahl Sunnah wal Jama'ah. Et c'est ça la différence entre les gens de la Sunnah et les gens de Bid'ah. Hein? Et ça c'est l'imam Abu Othman qui nous l'explique. Ensuite il continue, hein, et il dit, نعم. وقال الزهري إمام الأئمة وغيره من علماء الأمة رضي الله عنه وعن علماء الأمة على الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. Donc il mentionne une parole qui est attribuée à l'imam al-Zuhri, un des grands imams parmi les imams d'Ahl al-Sunnah wal-Jama'a. Il dit que l'explication revient à Allah subhanahu wa ta'ala, la transmission revient au messager et c'est à nous de se soumettre et de l'accepter. Et le chef qui a fait le tahqiq de ce livre, il mentionne que ça c'est rapporté dans al-Ta'liq, dans Sahih al-Bukhari, mais dans les ta'liqat, c'est pas les, c'est-à-dire c'est mu'allaqa, c'est pas rapporté comme un hadith avec une isnad. Toutefois il y a des citations qui sont mentionnées dans le même sens que celui-là par d'autres imams également, comme Al-Awza'i et d'autres. Donc c'est peut-être pas authentique, je pense, selon Al-Zuhri, si je me souviens bien, que Zuhri a dit ça. En fait, c'est ça. Il dit, أخرجه كذلك ابن أبي عاصم في الزهد وأبو نعيم في الحلية ومن طريقين آخرين عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري أنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فسألت الزهري عنه ما هذا فقال من الله العلم وعلى رسوله البلاغ وعلينا التسليم. Donc ça a été rapporté la même citation selon الزهري, sauf que au lieu de dire Allah il bayan, ça dit Allah il ilm, c'est-à-dire c'est au lieu de dire que à Allah revient l'explication, ça dit à Allah revient la science. Donc c'est une citation qui a été rapportée de plusieurs façons et par d'autres imams aussi. Ensuite il dit وَرَوَى يُونَسِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ يُونَسِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ ابْنُ معقل ومعقل عن أبيه عن الجعد ابن درهم قال عن الجعد ابن درهم قدم على وهب ابن منبه يسأله عن صفات الله تعالى فقال ويلك يا جعد بعد المسألة إني لأظنك من الهالكين يا جعد لو لم يخبرنا الله في كتابه أن له يدا وعينا ووجها لما قلت ذلك فاتق الله ثم لم يلبث جعد إلا أن لم يلبث جعد أن قتل وصلبه. C'est une des narrations qui est attribuée à Wahb ibn Munabbih, un des tabi'in, si je ne me trompe pas, c'est rapporté que il a Ja'd ibn Dirham, celui qui a amené la bid'a de Jahmiya, il est venu voir Wahb ibn Munabbih, il lui a demandé au sujet des attributs d'Allah. Alors, Wahb ibn Munabbih lui a dit, malheur à toi, ya Ja'd. Il dit, je crois que tu es certes parmi ceux qui vont être ceux qui vont périr. Alors, il a dit, Ja'd, sache une chose, que si ce n'était pas Allah subhanahu wa ta'ala qui nous avait informé qu'il a une main et qu'il a un œil, des yeux ou qu'il a un visage, je ne l'aurais pas dit. C'est-à-dire, si c'était pas Allah qui avait dit qu'il a des yeux et qu'il a des mains et qu'il a un visage et qu'il est élevé au-delà de son trône et les autres attributs, moi je l'aurais pas dit. Hein? Je le dis uniquement parce que c'est Allah qui l'a dit. C'est pas comme si j'ai amené ça de ma propre tête. Et donc c'est pour ça que c'est important, parce qu'il y a des gens de bid'a, ils affirment uniquement ce que leur raison est capable d'établir sans la révélation. Hein? Ils disent, nous on croit que Allah il a la connaissance, qu'il est sage, qu'il est tout puissant. Ça c'est des choses même, on peut les affirmer même par la raison. Hein? Il y a des athées qui croient en une force, hein, qui disent, ouais, on croit qu'il y a une existence, une force toute puissante, mais ils affirment en fait, ils affirment aucun attribut. Hein, ils vont pas dire qu'il aime et qu'il envoie des messagers, qu'il a une révélation, qu'il a des prophètes, qu'il a une sagesse, ou bien de dire par exemple qu'il élève certaines personnes, qu'il rabaisse certaines personnes, ou toutes les attributs qu'Allah SWT s'est attribué. Il ne faut qu'attribuer à Allah l'existence. Hein, et des attributs comme par exemple le savoir et des choses de ce genre. Toutefois, c'est ça exactement l'idée de ces gens-là. C'est comme le dieu des philosophes. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des déistes. Hein. Il y a ces gens-là qu'on appelle les déistes, les philosophes des Lumières. Vous avez entendu parler des Lumières, Voltaire et compagnie. Bon, eux, ils font partie des déistes. C'est-à-dire des gens qui affirment l'existence d'un Dieu, mais un Dieu sans attribut. Hein. C'est juste la seule chose qu'il a comme attribut, c'est qu'il existe. Il fait rien. Hein. Donc c'est ça la divinité que le Jahmiya affirme, c'est ça. C'est le Dieu des déistes, le Dieu des philosophes. Hein. C'est un Dieu abstrait qui n'existe pas. Hein. Donc, c'est pas le Dieu, c'est pas Allah subhanahu wa ta'ala tel qu'il se décrit lui-même dans sa révélation. D'accord? Donc c'est pour ça, ces gens-là, ils ont pas accepté Allah tel que Allah s'est décrit lui-même. Ils veulent se faire dans leur tête leur propre Dieu, hein, qui ne leur donne pas d'ordre, qui ne leur interdit rien, hein, et donc ils peuvent par la suite faire tout ce qu'ils veulent et suivre leur passion. Donc c'est pour ça. Donc le cheikh il dit, hein, parce que c'est arrivé une fois, j'ai parlé avec un musulman. J'ai discuté avec lui et je lui ai dit que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de son trône. Il m'a dit non, on peut pas dire ça parce que ça c'est pas logique, c'est pas affirmé par la logique. Je lui ai dit ouais, mais c'est affirmé par le Coran. Hein? Et puisque c'est affirmé dans le Coran, on le dit parce que c'est dans le Coran. لكن نعم. وقلت له أن الله سبحانه وتعالى على عرشي مستوى على عرشي، فهو رد علي وقال هذا غير معقول، هذا غير يعني لا نثبته بالعقل. فأنا يعني قلت له أنه نثبت في الكتاب، أنه ثابت في الكتاب والسنة، فنحن نثبته لأن الله سبحانه وتعالى أثبته لنفسه في وحيه. وفيك بارك أخي. Donc c'est ça ce qui se passe, c'est que ces gens-là, ils croient qu'ils doivent juste affirmer selon soi-disant qu'est-ce qu'ils prétendent d'affirmer par la raison. Et c'est seulement ça qui compte pour eux. Toutefois, la révélation pour eux, c'est pas la référence et la base. Donc l'imam Wahb ibn Munabbih, il a répondu en disant, lui on l'affirme, pourquoi on le dit? On le dit parce que Allah l'a dit. Si Allah ne l'avait pas dit, nous-mêmes on ne l'aurait pas dit. Naam. Donc le cheikh il dit, et Wahb ibn Munabbih lui a dit, crains Allah subhanahu wa ta'ala. On vous l'avait affirmé ce que Allah a affirmé à propos de lui-même. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'il s'est fait égorger, il s'est fait égorger par la suite, mais ici on dit qu'il a été tué et crucifié. Bon, on va lire par la suite qu'est-ce qui est arrivé à Ja'd ibn Dirham. Il dit « وَخَطَبَ خَالِدْ ibn عَبْدُ اللَّهِ الْقَصْرِ يَوْمَ الْأَضْحَى بِالْبَصْرَ فَقَالَ فِي آخِرِ خُطْبَتِهِ انْصَرِفُوا إِلَى مَنَازِلِكُمْ وضحوا بارك الله لكم في ضحاياكم فإني مضح اليوم بالجعد بن درهم فإنه يقول لم يتخذ الله إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما سبحانه وتعالى عما يقول الجعد علوا كبيرا ونزل عن المنبر فذبحه بيده وأمره بصلبه. Donc qu'est-ce qu'il dit l'imam Abu Asman? Il dit que Khalid ibn Abdullah al-Qasri, qui était un des Umara, un des dirigeants de l'époque dans la ville de Basra, le jour de l'Aïd al-Adha, l'Aïd du sacrifice, il a terminé sa khutbah al-Aïd, et il a dit aux gens, allez retourner chez vous et égorgez vos moutons, et que Allah bénisse vos sacrifices. Parce que moi aujourd'hui, je vais sacrifier Ja'd ibn Dirham. Parce qu'il n'a pas, il a dit que Allah n'a pas pris Ibrahim comme Khalil, et qu'il n'a pas parlé à Moussa. Donc, il a dit que Allah soit purifié de ce que Ja'd a dit à son sujet. Et il est descendu du minbar et il l'a sacrifié, il l'a égorgé avec sa main, et puis par la suite il a été crucifié. Naam. Donc ça c'est une narration qui est très célèbre, et qui a été rapportée dans plusieurs livres par les ulama des salafs. Donc c'est une narration qui est très connue. Ensuite il dit, comme un autre point maintenant, il commence à expliquer un autre aspect de la aqida des salafs. Et c'est un autre point sur lequel les salafs ont mis de l'importance pour faire comprendre leur position vis-à-vis de ces attributs-là. Comme par exemple, on a parlé de Al-Kalam, on a parlé de la parole, on a parlé de Al-Istiwa, et maintenant on parle d'un autre des attributs que Allah s'est donné à lui-même et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam. En fait, c'est deux que, oui c'est ça, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a attribué à Allah, c'est Al-Nuzul et Al-Maji. C'est, en fait, c'est deux d'entre ces attributs-là. Al-Nuzul c'est la descente et Al-Maji c'est la venue. Donc, le cheikh Abu Uthman il dit, wa yuthbitu ashab al-hadith. C'est bien que tu me corriges comme ça si vous entendez des fois. Non, si je dis des choses des fois, parce qu'en parlant comme ça, des fois on se trompe, comme ça, si tu me prends, on corrige, comme ça je peux faire la correction tout de suite. Le Cheikh dit, yuthbitu ashab al-hadith nuzul al-Rabb subhanahu wa ta'ala kulla laylatin ila as-sama'i ad-dunya min ghayri tashbihin lahu binuzul al-makhluqin wala tamthilin wala takyif بل يثبتون ما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم وينتهون فيه إليه ويمرون الخبر الصحيح الوارد بذكره على ظاهره ويكلون علمه إلى الله. Donc l'imam ici, l'imam Abu Uthman il dit que les gens du hadith, ils affirment que Allah سبحانه وتعالى est descendu, qu'il descend à chaque nuit au dernier des cieux, au ciel de la dunya, sans faire aucune ressemblance entre la descente la façon dont descendent les créatures et la façon dont Allah il descend, et sans faire de ressemblance, sans demander le commun, d'accord. On affirme cet attribut là à Allah tel que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a attribué à Allah subhanahu wa ta'ala, et on l'affirme et on s'arrête à cette affirmation-là. On n'essaie pas de rentrer dans notre imagination pour essayer d'imaginer le commun de cet attribut. Et on accepte les attributs qui sont mentionnés dans les hadiths authentiques tels qu'ils sont mentionnés, dans leur sens apparent. Et la connaissance du commun, on la remet à Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui sait le commun. D'accord? Après, il dit, وَكَذَلِكَ يُثْبِتُونَ أَنَّهُ يُثْبِتُونَ مَا أَنْزَلَهُ اللَّهُ عَزَّ اسْمُهُ فِي كِتَابِهِ مِنْ ذِكْرِ الْمَجِيءِ وَالْإِتْيَانِ الْمَذْكُورَيْنِ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلْ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةِ وَقَوْلُهُ عَزَّ اسْمُهُ وجاء ربك والملك صفا صفا. نعم. Vous avez une traduction du Coran? نعم. بارك الله فيك. Juste un verset, je veux juste être sûr de la traduction. 210. Ok. Donc, le Cheikh Abu Uthman, il dit, et donc également les gens d'Ahlul Hadith, les gens qui suivent le Hadith, Ahlul Sunnah wal Jama'ah, ils affirment que Allah subhanahu wa ta'ala, ils affirment ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé dans son livre, à son sujet. Lorsqu'il a dit que, lorsqu'il a parlé de Al-Maji wal-Ityan, Al-Maji ça veut dire la venue d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Al-Ityan, c'est la même chose aussi, c'est la venue. Et ces deux choses, ces deux attributs-là sont mentionnés dans le Coran. Comme par exemple, le verset 210 dans Surat al-Baqara, il dit, et qu'attendent-ils sinon qu'Allah leur vienne, à l'ombre des nuées, de même que les anges. Hein? Donc ça c'est le verset que le Cheikh a mentionné comme preuve de ça. Qu'attendent-ils sinon qu'Allah leur vienne. Donc l'attribut de Al-Ityan, et l'autre attribut qui est mentionné dans Surat al-Fajr, وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا, et lorsque viendra ton Seigneur et les anges qui se mettront en rang. Donc, ça c'est, comme je dis, c'est le verset 22 dans Surat al-Fajr. Le Cheikh dit, وَقَرَأْتُ فِي رِسَالَةِ الشَّيْخِ أَبِي بَكْرٍ الْإِسْمَعِيلِ إلى أهل جيلان أن الله سبحانه ينزل إلى سماء الدنيا على ما صح به الخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم, وقد قال الله عز وجل, هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام, وقال وجاء ربك والملك صفا صفا, ونؤمن بذلك كله ونؤمن بذلك كله على ما جاء بلا كيف, فلو شاء سبحانه أن يبين لنا كيفية ذلك لفعل أو فعل, فانتهينا إلى ما أحكمه وكففنا عن الذي يتشابه إذا كنا قد أمرنا به في قوله هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Donc ici le cheikh il explique un passage très important. Il dit que il a lu dans le livre de l'imam Abi Bakr al-Isma'ili qui a écrit un livre aussi qui sur l'aqida qui s'appelle Aqidatu Ashab al-Hadith. Aqidatu A'immati Ashab al-Hadith. C'est un livre d'aqida qu'il a écrit pour les gens de Jilan. Il dit dans ce livre-là que Allah subhanahu wa ta'ala descend au dernier des cieux. Comme c'est mentionné dans les hadiths authentiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le chef, par la suite, il va mentionner ces hadiths-là, hein, par toutes les narrations qui ont été apportées authentiquement du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet-là. Et il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné ça dans le Coran également, comme le verset 21 dans Surat al-Baqarah, 210 dans Surat al-Baqarah qu'on a mentionné tout à l'heure, qu'attendent-ils, excepté qu'Allah leur vienne, hein, dans les nuées ainsi que les anges, etc. Et وقال وجاء ربك والملك صفا صفا et leur Seigneur viendra ainsi que les anges alignés en rang. Donc il dit nous croyons en tout ça tel que c'est venu dans le texte et on ne demande pas le comment, on ne dit pas, on ne cherche pas à comprendre le comment. Et le cheikh il dit quelque chose d'important ici, il dit si Allah subhanahu wa ta'ala aurait voulu nous clarifier le comment il va descendre et comment il va venir, il l'aurait fait. Mais le fait qu'il ne l'ait pas fait, on doit s'arrêter à ce qu'il a jugé et on se limite à ce qu'il nous a révélé. Et ce qui n'est pas clair dans la révélation à ce sujet-là, hein, on doit y croire et l'accepter et remettre la connaissance de ça à Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, on va comprendre un point important à ce sujet-là, il mentionne le verset 7 dans Surat Ali Imran. Il dit « Celui qui a fait descendre sur toi le livre ». Parmi les versets de ce livre, il y en a qui sont clairs, « muhkama », qui sont clairs. Et ceux-là sont en fait la base du livre, sont le cœur du livre. Et il y en a d'autres versets par contre qui sont « mutashabihat », hein, qui sont avec des significations, disons, qui peuvent avoir plusieurs interprétations, plusieurs façons d'être comprises. Alors ces versets-là, ceux qui ont une maladie dans le cœur, ils les cherchent, ils cherchent les versets qui sont mutashabihat, justement pour pouvoir faire la fitna avec. Ils cherchent uniquement les versets qui peuvent porter à plusieurs interprétations pour faire la fitna et pour essayer de les interpréter, alors que personne ne connaît son interprétation, excepté Allah. Et ceux qui ont une science bien profonde dans la religion, dans la connaissance de l'islam, ils disent, nous y croyons, tout ça vient de notre Seigneur. Et c'est uniquement ceux qui possèdent la raison, la tête qui se souviennent. Et donc, ce verset-là, c'est très important de bien le comprendre. Parce qu'il y a des gens de bid'a, ils essaient de placer les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala parmi les mutashabihat. Ils essaient de dire que les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala font partie des mutashabihat. Et ça, c'est incorrect de dire ça. Pourquoi? Parce que, en fait, les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala ne font pas partie des mutashabihat, mais bien des muhkamat. D'accord? Et, en réalité, c'est que, il y a, en fait, un aspect des attributs d'Allah qui font partie des mutashabihat, et un aspect des attributs d'Allah qui fait partie des muhkamat, et il est important de savoir distinguer entre ces deux aspects-là, parce que les gens de Bid'a, ils jouent là-dessus. Mais partout où il y a des nuances, les gens de Bid'a, ils essaient de profiter de la nuance ou de l'ambiguïté de certains sujets ou de certaines questions pour en profiter pour tromper les gens et les faire dévier au sujet de l'aqida. Donc, par exemple, En ce qui concerne les noms et les attributs d'Allah, si on parle des attributs par exemple, on doit comprendre que la signification des attributs d'Allah, elle fait partie des muhkamat. C'est quelque chose que les gens comprennent parce que c'est de la langue, c'est la langue arabe. Les Arabes comprennent la signification de Al-Nuzul et ils comprennent la signification de Al-Maji ou Al-Ityan. Ce sont des mots et des termes qui font partie de la langue arabe et toute personne qui connaît l'arabe comme il faut, il comprend la signification de ces mots-là. Il n'y a aucune ambiguïté dans leur signification. Toutefois, de notre point de vue, on peut dire que lorsqu'on parle des attributs d'Allah, ces attributs-là, on ne connaît pas leur description, on ne connaît pas le commun de ces attributs-là. Donc, le commun fait partie des mutashabihat parce qu'on ne les connaît pas, on ne connaît pas le commun. Donc, il faut distinguer de qu'est-ce qu'on parle. Par exemple, lorsqu'on parle des muhkamat et mutashabihat, qu'est-ce qui fait partie des muhkamat, qu'est-ce qui fait partie des mutashabihat? La signification des noms d'Allah et des attributs d'Allah fait partie des muhkamat, c'est clair, c'est des significations claires, elles sont connues dans la langue arabe. Personne n'a parmi les Arabes douté de la signification de ces attributs-là. Elles sont claires. Al-Nuzul, ça veut dire la descente. Al-Maji, ça veut dire la venue. Al-Ityan aussi. Al-Istiwa, c'est connu comme l'imam Malik a dit. On le connaît. Al-Yad, tout le monde sait qu'est-ce que ça veut dire Yad dans la langue arabe, hein, etc. Et qu'est-ce qui est inconnu par contre, c'est quoi? C'est le commun de ces attributs-là. Donc ça, les ulama ont dit, oui, dans ce sens-là, oui, on peut dire que ça fait partie des mutashabihat parce qu'on ne connaît pas le commun et c'est seulement Allah qui le connaît. C'est pour ça que le verset en question, le verset 7, il a été lu de deux façons. Certains ulama ou certains parmi les ulama, ils s'arrêtent à وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهِ. Ils s'arrêtent ici. Et puis ils continuent par la suite وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ أَمَنَّا بِهِ. C'est-à-dire, personne ne connaît sa signification, sauf Allah, et il s'arrête. Si on s'arrête ici, ça veut dire que c'est seulement Allah qui connaît sa signification, on parle de Al-Kayfiyya. On parle du Kayf, le commun des attributs, c'est seulement Allah qui la connaît. Et les rasikhoun fil ilm, les ulama, eux, ils disent, on y croit. Tout ça, ça vient d'Allah, ça vient de notre Seigneur, on l'affirme. Mais il y en a d'autres qui ont continué le verset, qui ont dit « وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ». Ils ont dit « Personne ne connaît sa signification, excepté Allah et les gens qui sont fermement ancrés dans la science ». Ils ont associé, ils ont arrêté après. Donc ça veut dire ils ont dit que c'est seulement Allah et les ulama qui connaissent ces significations-là. Et dans ce cas-là, on voit que s'ils parlent de ça, ils parlent en réalité de la signification des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'accord, et non pas de l'Kayfiyya, parce que l'Kayfiyya c'est seulement Allah qui la connaît. Donc c'est les deux lectures à propos de ce verset-là, puis il y a des gens qui jouent avec ça parmi les gens de Bid'a comme les Ahbash et d'autres, pour essayer de tromper les musulmans et leur jeter des choubouhats. Ensuite, le cheikh il continue, il dit « وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ ابن زكريا الشيباني سمعت أبا حامد ابن الشرقي يقول سمعت أحمد السلمي وأبا داود الخفاف يقولان سمعنا إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي إسحاق ابن راهوية يقول قال للأمير عبد الله ابن طاهر يا أبا يعقوب هذا الحديث الذي ترويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف ينزل؟ قال قلت أعز الله الأمير لا يقال لأمر الرب كيف وإنما ينزل بلا كيف. Donc ils ont en tout cas ils disent que Abu Bakr ibn Zakaria al-Shaybani a entendu Abu Hamid al-Sharqi Ibn Sharqi, d'ailleurs j'ai entendu Ahmed al-Sulami et Abu Dawood al-Khaffaf qui disaient qu'ils ont entendu Ishaq ibn Ibrahim al-Anzali c'est un des grands imams d'Ahl-Sunna, c'est Ishaq ibn Rahouya, un des grands imams d'Ahl-Sunna, qui disait que l'amir Abdullah ibn Tahir lui a demandé, « Ya Aba Ya'qub, ce hadith que tu rapportes au sujet que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que notre Seigneur descend chaque nuit au dernier des cieux, comment il descend ?» Alors l'imam Abu Ishaq, pas Abu Ishaq, Ishaq ibn Rahouya, il a répondu qu'on ne doit pas dire au sujet de d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son, des affaires qui ont rapport avec Allah subhanahu wa ta'ala, comment? Parce qu'il descend sans avoir dit le comment, sans description, sans qu'on le décrive d'une façon spécifique, c'est-à-dire bila kayf, sans demander le comment. Il dit, حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم العدن حدثنا محبوب ابن عبد الرحمن القاضي حدثني أبو بكر ابن أحمد ابن محبوب حدثنا أحمد ابن حموي حدثنا أبو عبد الرحمن العتكي حدثنا محمد بن سلام سألت عبد الله ابن المبارك في نزول ليلة النصف من شعبان فقال عبد الله يا ضعيف ليلة النصف ينزل في كل ليلة فقال الرجل يا أبا عبد الرحمن كيف ينزل أليس يخلو ذلك المكان منه فقال عبد الله ينزل كيف يشاء. Oui, donc c'est cette narration qui a été rapportée au sujet de l'imam Abdullah ibn Mubarak, un des grands imams des salaf. Il y a quelqu'un qui lui a posé la question, en fait c'est Mohammed ibn Sallam qui lui a posé la question au sujet de la descente d'Allah subhanahu wa ta'ala la nuit du milieu du mois de Sha'ban. Alors Abdullah ibn Mubarak a répondu, il a dit Ya Da'if, c'est-à-dire ça c'est pas sahih de dire qu'il descend la nuit du milieu du mois de Sha'ban. Il dit qu'est-ce qui est authentique, c'est qu'il descend à chaque nuit. Alors l'homme a dit Abdurrahman, c'est-à-dire Abdullah ibn Mubarak, comment il descend? Est-ce que lorsqu'il descend, il change pas de place, yani, c'est-à-dire l'endroit où il était, il n'est pas déplacé de cet endroit-là? Alors, Abu Abdurrahman, Abdullah ibn al-Mubarak, il a répondu en disant, il descend comme il veut. Yanzilu kayfa yasha. C'est-à-dire, il descend comme il veut, et on n'a pas à poser la question du comment et des choses de ce genre. Et il dit, وفي رواية أخرى لهذه الحكاية أن عبد الله ابن المبارك قال للرجل إذا جاءك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخضع له. Il a dit dans une autre narration de cette histoire que Abdullah ibn Mubarak a dit à l'homme, si tu entends un hadith du prophète صلى الله عليه وسلم qui te vient, alors soumets-toi à ce hadith-là. Essaie pas d'imaginer comment il descend et tout. Parce que tu essaies d'imaginer la façon dont tu as imaginé les créatures, et tu essaies de comparer Allah à ça. Et ça c'est tashbih. Tu fais des ressemblances entre Allah et sa création. Donc tu n'as pas le droit de poser cette question-là. Ok? Après le cheikh il dit, وسمعت الحاكم أبا عبد الله رحمه الله يقول سمعت أبا زكريا يحيى ابن محمد العنبري يقول سمعت إبراهيم بن أبي طالب يقول سمعت أحمد بن سعيد بن إبراهيم بن عبد الله الرباطي يقول حضرت مجلس الأمير عبد الله بن طاهر ذات يوم وحضر إسحاق بن إبراهيم يعني ابن راهوية فسئل عن حديث النزول أصحيح هو؟ قال نعم. فقال له بعض قواد عبد الله يا أبا يعقوب أتزعم أن الله ينزل كل ليلة؟ قال نعم. قال كيف ينزل؟ قال له إسحاق اثبته فوق حتى أصف لك النزول. فقال له الرجل أثبته فوق. فقال له إسحاق قال الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا فقال الأمير عبد الله ابن طاهر يا أبا يعقوب هذا يوم القيامة فقال إسحاق عز الله الأمير ومن يجيء يوم القيامة ما يمنعه اليوم. Donc le chef il a rapporté une autre narration qui a au sujet de l'imam Ishaq ibn Rahouya et l'amir Abdullah ibn Tahir le jour où Ishaq ibn Rahouya est venu et on lui a posé la question au sujet du hadith de la descente d'Allah subhanahu wa ta'ala au dernier des cieux. Est-ce que c'est authentique ce hadith? Il a dit oui. Et certains parmi les gens qui étaient là autour de l'amir, ils lui ont demandé « Oh, Abba Yaqub, est-ce que tu crois que Allah descend à chaque nuit ?» Il a dit « Oui ». Il a dit « Et comment il descend ?» Alors l'imam Abu Ishaq ibn Rahouya, il lui a répondu. Il lui a dit « Commence par affirmer qu'il est au-dessus de ses créations avant de me demander de décrire la descente. Hein ?» C'est-à-dire, il savait, l'imam Ishaq ibn Rahouya, que cet homme-là n'affirme même pas que Allah est au-dessus de sa création en partant. Donc, il dit, si tu n'affirmes pas, déjà en partant, que Allah n'est pas au-dessus de sa création, pourquoi tu me demandes de décrire comment il descend? Alors, il lui a dit, affirme que tu crois qu'il est au-dessus, et après je vais te décrire comment il descend. Alors, il a dit, j'affirme que il est au-dessus. Alors, il lui a récité un verset dans le Coran. Ishaq ibn Rahouya lui a récité un verset dans le Coran qui dit وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. C'est le verset 22, la Sourate Al-Fajr. C'est-à-dire, et ton Seigneur viendra ainsi que les anges et ils vont s'aligner en rang. Alors, Al-Amir Abdullah ibn Tahir a dit Oh Abba Yaqub, c'est la kunya de Ishaq ibn Rahouya. Il dit Oh Abba Yaqub, ça c'est au jour de la résurrection. Alors Ishaq ibn Rahouya, il a répondu en disant, et s'il est capable de venir au jugement dernier, s'il peut venir au jugement dernier, qu'est-ce qui l'empêche de venir aujourd'hui et de venir toutes les nuits, hein? Donc ça c'est la façon dont Ishaq ibn Rahouya l'a réfuté et il lui a montré en fait qu'il avait tort d'essayer de mettre en question cette affirmation que Allah s'est donnée à lui-même et que le prophète Rasulallah a attribué à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il a Abu Uthman, il mentionne une autre citation. Il dit wa khabaru nuzul ar-rabb kulli layla ila as-sama' ad-dunya khabar muttafaq 'ala sihhatihi mukharraj fi as-sahihayn min tariq Malik ibn Anas 'an az-Zuhri 'an al-Aghr wa Abi Salama 'an Abi Hurayra. Il dit que le hadith qui mentionne la descente d'Allah subhanahu wa ta'ala chaque nuit au dernier des cieux, c'est un hadith qui est muttafaq alayh. C'est-à-dire, la Ummah est d'accord pour son, et tout le monde est d'accord sur son authenticité. C'est un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Hein, selon Malik ibn Anas et selon Al-Zuhri, selon Al-Aghar, selon Abi Salama, selon Abi Huraira. Donc ça c'est l'isnad, une des isnads, et il en mentionne plusieurs par la suite, on va voir. Et après il dit « Akhbarana Abu Ali Zahir ibn Ahmed, haddathana Abu Ishaq Ibrahim ibn Abdus Samad, haddathana Abu Mus'ab, haddathana Malik, wa haddathana Abu Bakr ibn Zakariya, haddathana Abu Hatim Makki ibn Abdan, haddathana Muhammad ibn Yahya, قال مما قرأت على نافع وحدثني مطرف ابن مالك رحمه الله حدثني أبو بكر ابن زكريا أخبرني أبو القاسم عبيد الله ابن إبراهيم ابن باروية حدثنا يحيى ابن محمد حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب الزهري عن أبي عبد الله الأغر وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له. Donc ça c'est le hadith qui est rapporté selon Abi Huraira رضي الله عنه, que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit que notre Seigneur descend à chaque nuit au dernier des cieux, dans le dernier tiers de la nuit, hein, et il dit qui va me implorer, ou qui va m'invoquer pour que je lui réponde, qui va me demander pour que je lui donne, qui va me demander pardon pour que je lui pardonne. Ça c'est le hadith qui est apporté par Malik dans Al-Muwatta et Muslim et Al-Bukhari et beaucoup d'autres encore parmi les ulama de hadith, ils ont rapporté ce hadith et il n'y a pas de doute sur son authenticité, hein. Ça c'est clair. Et le chef par la suite il va mentionner une série d'isnad et je pense que on n'a pas besoin de mentionner et de lire toutes ces différentes asanides. Il commence par mentionner les asanides et ensuite il mentionne les narrations qui sont reliées à ces différentes asanides. Après il dit كلهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ينزل الله كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول من يسألني فأعطيه من يدعوني فأستجيب له ومن يستغفرني فأغفر له. Bon, ça c'est les différentes narrations. C'est une autre narration de ce hadith encore, et il a mentionné comme, attends juste pour vous mentionner le, montrer le nombre de narrations qu'il a mentionné, ou de sunnah, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 différentes sunnahs à peu près, alors qu'est-ce qu'il a mentionné dans le livre, ok, puis tout ça c'est pour dire le texte du hadith qu'on a mentionné au sujet du fait que Allah subhanahu wa ta'ala il descend. Il y a des gens de Bid'a qui ont essayé de rejeter ce hadith ou de l'interpréter d'une façon incorrecte, de dire par exemple que là c'est pas Allah qui descend, mais c'est par exemple un ange. Ils ont interprété pour dire que c'est un ange. Et il y en a d'autres qui ont interprété pour essayer de dire que c'est pas Allah subhanahu wa ta'ala qui descend, mais c'est le commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou d'autres ta'wilat comme ça, pour essayer de rejeter ce hadith. Toutefois, le hadith est authentique, et sa signification est claire, et le fait que dans le hadith on voit que Allah subhanahu wa ta'ala il dit « qui va me demander pour que je lui donne, qui va me demander pardon pour que je lui pardonne », ça c'est pas un ange qui demandait ces choses-là. C'est pas un ange qui dit « qui va me demander pardon pour que je lui pardonne ?» Parce que personne ne peut pardonner les péchés excepté Allah, d'accord. Donc ça c'est un ta'wil qu'ils ont fait, c'est ce qui est un tahrif, qui essaie de nier la réalité du hadith et de le rejeter. Le cheikh il dit « فَبِذَلِكَ كَانُوا يُفَضِّلُونَ صَلَاةَ آخِرَ اللَّيْلِ عَلَى أَوَّلِهِ » Il dit « à cause de ce hadith, les salafs ils préféraient prier à la fin de la nuit plutôt qu'au début de la nuit. » Les salafs ils mentionnaient ces hadiths-là en fait c'est pour les appliquer, pour agir selon ces hadiths et pour les appliquer dans leur vie. Donc ils voulaient en fait profiter du fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au dernier des cieux pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'ils savent que c'est un moment où ils vont peut-être avoir plus de possibilités d'être exaucés dans leur demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils préféraient de prier et de demander à Allah subhanahu wa ta'ala à la fin de la nuit. Et le Cheikh Ibn Wahab dit « Tout ce qui est mukharraja bi asanidha fi kutubina al-kabir al-ma'ruf bil-intifar » C'est-à-dire qu'il a mentionné tous ces différents hadiths-là avec les différentes narrations dans son livre qui est plus grand, qui s'appelle Al-Intifar. Ensuite il mentionne différentes narrations de ces hadiths, on ne va pas les lire puisque on a lu cette narration-là, celle qui est authentique, les autres aussi, bon, ils sont authentiques aussi, il y en a qui sont authentiques, mais c'est toujours les mêmes termes qui sont répétés dans le hadith. Donc pour sauver du temps, Inch'Allah, on va passer par-dessus ça, et on revient avec d'autres exemples et citations des salafs. سمعت الأستاذ أبا منصور على إثر هذا الحديث الذي أملاه علينا يقول سئل أبو حنيفة عنه فقال ينزل بلا كيف. ذيك الأستاذ أبو منصور أقرب مسؤول الحديث لكن لم يذكر. Il dit que l'imam Abu Hanifa, on lui a posé la question à ce sujet de, au sujet de ce hadith-là, et Abu Hanifa a répondu, il dit, il descend sans commun, c'est-à-dire sans qu'on lui, sans qu'on essaie à, d'imaginer le commun de sa descente, et sans qu'on pose la question de la description de sa descente, parce qu'on ne peut pas le savoir. « Yuwaqala ba'duhum, yanzilu nuzulan yaliqu bil-rububiyyah » بلا كيف من غير أن يكون نزوله مثل نزول الخلق بالتجلي والتملي لأنه جل جلاله منزه أن تكون صفاته مثل صفات الخلق كما كان منزها أن تكون ذاته مثل ذوات الخلق فمجيئه وإتيانه ونزوله على حساب ما يليق بصفاته من غير تشبيه وكيف. Donc il dit que certains parmi les ulama, ils ont répondu à ce hadith en disant que Allah il descend d'une manière qui lui convient, qui convient à sa souveraineté, sans qu'on pose la question du comment et sans qu'il n'y ait aucune ressemblance entre sa descente et la descente de ses créatures. Et il dit que Allah subhanahu wa ta'ala est purifié que qu'il y ait quoi que ce soit de ressemblance entre ses attributs et les attributs de sa création, ou que son être soit semblable à Allah, à celle de ses créatures. Donc Allah subhanahu wa ta'ala en lui-même, il est différent de ses créatures, il ne ressemble pas du tout à ses créatures, et la même chose dans tous ses attributs. Hein? Tel que on ne peut pas dire que Allah ressemble à ses créatures en lui-même, donc la même chose on ne peut pas dire à propos des attributs d'Allah qu'elle ressemble à sa création, à sa créature ou à sa création. Donc il vient, hein, et il descend selon ce qui lui convient dans ses attributs, sans qu'il y ait aucune ressemblance avec sa création et sans qu'on pose la question du commun de ses attributs. Ensuite il dit « وَقَالَ الْإِمَامُ أَبُو بَكْرَ محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتاب التوحيد الذي صنفه وسمعته من حامله أبي طاهر رحمه الله تعالى باب ذكر أخبار ثابتة السند رواها علماء الحجاز والعراق في نزول الرب إلى السماء الدنيا كل ليلة من غير صفة كيفية النزول مع إثبات النزول. إن شاء الله سنتكلم إذا كان عندك سؤال إن شاء الله فنتركه إلى آخر الدرس إن شاء الله وبعد الدرس نتكلم وإن شاء الله إذا كان عندك سؤال سنجيبه إن شاء الله ولكن الآن نريد أن نكمل هذه الأخبار إن شاء الله حتى تكون الموضوع واضح إن شاء الله. Donc le cheikh il dit, l'imam Muhammad ibn Khuzayma, ah oui, j'ai pas fini de lire la citation, mais c'est ça, il dit « وَنَشْهَدُ شَهَادَةَ مُقِرٍ بِلِسَانِهِ مُصَدِّقٍ بِقَلْبِهِ مُتَيَقِّنٍ بِمَا فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ مِنْ ذِكْرِ النُّزُولِ مِنْ غَيْرِ أَنْ نَصِفَ الْكَيْفِيَّةِ لِأَنَّ نَبِيَّنَا صلى الله عليه وسلم لم يصف لنا كيفية نزول خالقنا إلى السماء الدنيا وأعلمنا أنه ينزل والله عز وجل ولا نبيه صلى الله عليه وسلم بيان ما بالمسلمين إليه الحاجة من أمر دينهم فنحن قائلون مصدقون بما في هذه الأخبار من ذلك النزول غير متكلفين للنزول بصفة الكيفية إذ النبي صلى الله عليه وسلم لم يصف كيفية النزول. Donc l'imam Abu Ishaq, non c'est Abu Bakr, Muhammad ibn Ishaq, ibn Khuzayma, dans son livre At-Tawhid, qu'il a écrit, et il dit, Abu Uthman, qu'il l'a entendu de celui qui l'a apporté, Abu Tahir, il dit que dans ce livre-là, il y a un chapitre qui mentionne les textes authentiques, les narrations authentiques, que les ulama du Hijaz et de l'Irak ont mentionné au sujet de la descente d'Allah subhanahu wa ta'ala au dernier des cieux à chaque nuit. Et il dit que on doit croire en ça, en cet attribut-là, sans mentionner le comment de la descente d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il faut affirmer la descente, al-nuzul. Et il dit qu'on témoigne de, on témoigne du témoignage de celui qui affirme avec sa langue et qui croit avec son cœur et qui est convaincu de ces narrations-là et de ces hadiths-là, de ce qui a été mentionné de la descente d'Allah subhanahu wa ta'ala, sans faire de description du comment, parce que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous a pas décrit le comment de la descente de notre Créateur au dernier des cieux, mais il nous a informé que Allah subhanahu wa ta'ala descend, et Allah subhanahu wa ta'ala a chargé son prophète de nous clarifier, de clarifier aux musulmans ce qu'ils ont besoin de connaître au sujet de leur religion. Et donc nous, on dit et on croit en ce qu'il nous a informé des narrations qui sont authentiques au sujet de la descente d'Allah subhanahu wa ta'ala, sans qu'on soit chargé ou sans qu'on soit demandé de décrire ou de comprendre la description de la descente d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que notre prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ne nous a pas décrit le comment de la descente d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord ? Après il dit, « وَقَالَ أَبُوْ عُثْمَانَ أَخْبَرَنَا الْحَاكِمِ نعم أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ رحمه الله حدثنا أبو محمد الصيلداني حدثنا علي بن الحسين ابن الجنيد حدثنا أحمد بن صالح المصري حدثنا ابن وهب أنبأنا مخرمة بن بكير عن أبيه رحمه الله أخبرنا الحاكم أخبرنا الحاكم رحمه الله قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب واللفظ له قال حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا ابن وهب عن مخرمة تتلسناد ابن بكير عن أبيه قال سمعت محمد بن المنذكر يزعم أنه سمع أم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم تقول نعم اليوم يوم ينزل تعالى فيه إلى السماء الدنيا قالوا وأي يوم ذلك قالت يوم عرفة c'est un hadith en fait l'isnad est long mais en fait c'est un hadith qui mentionne que un des narrateurs qui est Muhammad ibn al-Mundakar il dit qu'il a entendu Umm Salama l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam dire quelle belle journée est la journée dans laquelle Allah descend au dernier des cieux. Et ils lui ont demandé de quel jour s'agit-il, ou de quelle journée s'agit-il, elle a répondu la journée de Arafah. La journée de Arafah, c'est la journée dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala descend au dernier des cieux, et c'est un hadith dont l'isnad est Hassan. Et il y en a d'autres narrations dans d'autres livres également qui sont mentionnés avec des chaînes authentiques. نعم. Donc ensuite, le شيخ يزيد روت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله تعالى في النصف من شعبان إلى السماء الدنيا ليلا إلى آخر النهار من الغد فيعتق من النار بعدد شعر معز بني كلب يكتب الحاج وينزل أرزاق السنة ولا يترك أحدا إلا غفر له إلا مشركا أو قطع رحم أو عاقا أو مشاحنا. Donc ça c'est une autre narration qui a été rapportée selon Aïcha radiallahu anha que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah subhanahu wa ta'ala il descend dans la moitié de Sha'ban au dernier des cieux dans la fin de la journée, et il dit qu'il fait sortir ou il libère du feu le nombre de personnes équivalent aux poils qui sont sur les bêtes de Bani Kalab. Et il écrit qui sera le Hajj et qu'est-ce qui va descendre comme risque pour l'année. Et il ne laisse personne excepté qui lui a pardonné, excepté un mushrik ou une personne qui fait du banditisme, des affaires de, qui fait des, comme, qui coupe les routes, comme on dit, et qui, est mauvais envers ses parents. Et il mentionne des choses de ce genre dans ce hadith. Et c'est rapporté par Ahmad al-Tirmidhi, al-Lalaka'i. Et, il dit, من طريق يزيد بن هارون قال حدثنا الحجاج بن أرطة عن يحيى بن أبي كثير عن عروة عن عائشة به وقال الترمذي حديث عائشة لا نعرفه إلا من هذا الوجه et qu'est-ce que j'ai trouvé en fait qui m'est rapporté ce hadith dans سلسلة الحديث الصحيحة de l'imam Cheikh Al-Albani donc c'est un hadith authentique. D'accord, donc on va continuer. On continue avec une autre narration. On va peut-être s'arrêter là, parce que là, ça fait déjà 1h20, mais on va faire une pause pour que les frères se reposent un petit peu, et puis on va reprendre après, Inch'Allah. Donc, parce qu'on a presque fini Al-Maji, puis après il y a d'autres affaires, Inch'Allah. Donc on s'arrête maintenant à ce point-là puis on continuera inshallah après. On fait comme baraka inshallah subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.